بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه من تبع أثرهم اتبع أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فدون cours précédent on a pu prendre Bikhtisar a résumé la biographie de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et j'avais oublié dans la précipitation d'évoquer sa date de naissance qui est en 194 et il est mort, rahimahullah ta'ala, en 256. Donc il fait partie des ulama min al-Qurun al-Mufaddala. Parce qu'il fait partie des kibar al-ulama min al-Qarn al-Thalith, parmi les grands ulama du 3e siècle. Auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge. Khair nasqarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Naam. Fahuwa min kibar al-ulama, min al-qarn al-thalith, rahimahullahu ta'ala. Naam. Fanadkhul inshallah tabaraka wa ta'ala, fil kitab. Qala l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, wa wassayna al-insana biwalidayni husna. Et nous avons enjoint Al-insan, l'homme, biwalidayhi, c'est-à-dire ses parents, husna, la bienfaisance envers les parents. Fa'al-imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, à travers ce bab-là, il va nous expliquer qu'est-ce que la wasiyya, quel est plutôt le mérite de cette wasiyya et quel est le statut de cette wasiyya auprès d'Allah Azzawajal. Quel est le mérite de cela? Quel est le statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de birr al-walidain, de la bienfaisance envers les parents. Fa'ahuna huwa rahimahullah ta'ala, à travers ce bab-là, et à travers les hadiths qu'il va citer, un hadith et un athar, il va nous évoquer rahimahullah ta'ala le tafsir de cette ayah-là, en évoquant l'importance et le statut de birr al-walidain fi din al-islam. Wa wassayna al-wasiyya qala al-ulama قال هو كل شيء يؤمر بفعله الامام القرطبي رحمه الله تعالى خلاص cette ayah là il évoque رحمه الله تعالى que parce qu'Allah il dit subhanahu wa ta'ala wa wassayna c'est-à-dire wa amarna bifi'li on lui a enjoint c'est-à-dire on lui a demandé de le faire amarna bifi'lihi et il dit Cheikh Al-Uthaymeen رحمه الله que al-wasiyya ce genre de terme-là, il est utilisé dans les choses qui sont vraiment importantes. Fait, tu ne peux pas dire, il y a une osaïka, et ensuite tu ramènes une chose qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je vous enjoins à la piété en Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi lafza, aousa, on l'utilise que lorsqu'on veut évoquer des choses qui ont vraiment une importance. Et c'est le cas, Harouna. C'est le cas, Harouna. Qala bi walidei, al marad bi dhalika, c'est le père à la mère. لكن قال العلماء كذلك tous ceux qui sont dans le maqam de l'walidain tous ceux qui sont le même statut à peu près que le walid فالنبي صلى الله عليه وسلم والوالدة النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة كالأم يعني dans le hadith يعني qui est venu il a évoqué que la tante c'est comme la mère يعني بمنزلة الأم العمة بمنزلة الأم فكذلك ça rentre dedans في الحقيقة لسكي دي ووصينا الإنسان بوالديه Ça rentre aussi ce genre de hadith-là dans lequel le Nabi sallam a évoqué que la tante, c'est comme la mère. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ترى يعني في في في في العباس qui est son oncle. فقال لعمر رضي الله عنه العم سن أبي العم سن أبي et c'est la même chose que le père. L'oncle paternel est tel que le père. فيدخل في ذلك مكان في مقامه ما يقوم مقامه comme la tante. Paternel et kazalika, l'oncle paternel. Fayatrulun fil ayah. Parce qu'ils sont dans l'islam comme des pères. Ou yatrul fi dhalika al-ajdad wa jaddad. Les grands-pères et les grands-mères. Wa sayna al-insan bi walidayhi, qala al-ulama yatrul fi dhalika aussi les grands-pères. Parce qu'ils sont tels que les pères. C'est le père de nos pères et ce sont les mères de nos mères. Fayatrul fi dhalika ha'ula aussi. Même si la ayah, en premier lieu, ça rentre dans le père et la mère, lakin, ça inclut aussi les grands-pères, les grands-mères, les tantes, les oncles paternels, et les, comment s'appelle aussi, les tantes paternelles. Naam. Wa hatta qala al-imam al-Raghib al-Isfahani rahimahullah ta'ala que ça rentre dedans aussi al-ulama. Parce qu'ils sont dans la umma kamaqam al-walid. Ils ont le statut d'un père, c'est-à-dire celui qui s'occupe de toi, celui qui s'occupe de t'instruire. Même certains des ulama, ils ont, comment ça s'appelle, un rôle dans nos vies qui sont même parfois beaucoup plus grands que nos pères. Surtout si jamais le père n'était pas sur la guidée. Et il incitait son fils dans l'égarement. C'est pour ça que tu vois certains des ulama, ils disent, مثلاً, al-walid. Al-shaykh, kada, il dit al-walid. Comme le dit Cheikh Yahya, hafidhahullah ta'ala. Yani avec al-shaykh Mokbel. Il dit al-shaykh al-walid. Yani, dans ta'lim, il a le même statut qu'un père. فحتى قال الراغب الاصفهاني il a un livre qui s'appelle Al-Mufradat et il a évoqué dans Ab, il a dit c'est toute personne qui a été une cause de ta bonne éducation. Et il dit ça rentre dedans كذلك العلماء. C'est pour ça que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est évoqué comme père. Comme l'ont dit les sahaba يعني فداء أمي وأبي. فداء أمي وأبي, tu es le remplaçant de mon père et ma mère. De la mère dans la rahma et du père dans l'éducation. C'est un père au niveau de la tarbiyah, de l'éducation, et pas au niveau de comment ça s'appelle, des liens de parenté. Kamaqala subhanahu wa ta'ala, ma kana Muhammad aba ahadim min rijalikum. Il n'est pas le père de l'un d'entre vous. Ça rentre dedans aussi, kadhalika qala al-ulama, karraghab al-isfahani al-ulama, wa wassayna al-insana biwalidayhi, le père, la mère, comme on a dit, les grands-pères, les grands-mères, les tantes paternelles, les oncles paternels. كذلك العلماء كل ما كان سببا لإصلاحك وتربيتك. Toute personne qui était une cause de réforme pour toi et كذلك d'éducation. يصلح, tu dis que c'est un والد. Donc il a, tu dois avoir un respect envers cette personne-là. قال سبحانه وتعالى حسنا برا خيرا. تمام. Il faut savoir que cette ayah là, elle est descendue sur Sa'd ibn Abi Waqqas رضي الله عنه. Lorsque sa mère l'a exhorté à quitter l'islam, à ne yakfur bil islam, lorsqu'elle a compris que dans l'islam, l'islam est l'appel à la bienfaisance des parents, elle lui a dit, je suis ta mère. En parlant à Sa'd ibn Abi Waqqas, elle dit, je suis ta mère, et tu es en train de prétendre que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il vous ordonne de la bienfaisance envers les parents, je suis ta mère, donc je t'ordonne de me croire au din de l'islam. Summa Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu cette ayah là. Tam. Wa in jahadaka ala an tushraka bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa. Si jamais il t'exhorte à ce que tu associes à Allah azza wa jal, que tu apostasies, il ne faut pas les obéir. Lakin, sois auprès de eux et un bon comportement envers eux. Yani, à peu près le sens de l'ayah. Tam. Fa, cette ayah elle est descendue. Et il a dit Sa'd ibn Baqas radhiyallahu anhu que je ne ferai pas cela. Je resterai ferme sur ma religion. Sa mère lui a dit, si jamais tu fais cela, eh ben je vais faire la grève de la faim et de la soif. Fa'alat. Jusqu'à ce que Yani Ta'ibat, son frère, il est venu, il lui a expliqué. Il est venu vers sa mère, et sa mère, lorsqu'elle a vu son abnégation à l'islam, elle a laissé tomber cela. Et lorsqu'il est venu à elle, il lui a dit, écoute maman, si jamais tu aurais 1000 âmes, plutôt 100 âmes, 1000 ou 100, j'ai oublié, et que tu venais à mourir 100 fois, j'aurais jamais laissé la religion d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est muttafaqun alayhi. Et plutôt, un des muslims, rahimahullah, un des muslims. 2491. C'est quoi, on va laisser le hadith? Parce que le hadith, il y a des choses à dire. Donc, je préfère, inshallah, le laisser. À demain. Jazakallah. Wa alaykum assalam. Amin, amin, wa alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.